FrenchPod.com. Ah, encore un jour férié. Je ne sais même pas pourquoi c'est férié. J'ai eu du mal à trouver quelque chose à faire. C'est pareil pour moi. Heureusement que tu m'as invité à passer la journée chez toi. Tu veux notre cocktail ?